إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on est au cours numéro 24 dans l'explication du livre Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires du Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liqat al-Tawdihiyya ala Muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya. Et donc on est arrivé à l'endroit où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique c'est quoi la méthodologie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au dernier cours, on avait commencé à expliquer la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal à propos des noms et des attributs d'Allah, et il expliquait qu'on ne décrit pas Allah subhanahu wa ta'ala excepté par ce qu'il s'est décrit lui-même ou par ce que son messager l'a décrit, et on ne dépasse pas le Coran ni le Hadith. Et ça, c'est la voix des salaf al-salih à ce sujet-là, et on a expliqué ce que ça signifiait. Maintenant, on va continuer dans cette explication-là. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il parle de la façon dont on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms et en ses attributs. Puis il dit « وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ ». C'est-à-dire qu'on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés, ainsi que son messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est semblable à lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant « Allah subhanahu wa ta'ala lahu asma'un wa sifat, wal makhlouqoun lahum asma'un wa sifat. » ولكن لا تشابه بين صفات الله وصفات خلقه كما أن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين لأن الأسماء والصفات تتبع الذات الموصوفة بها فكما أن ذاته لا يعلم كيفيتها إلا الله لا يعلم كيفيتها إلا الله فكذلك أسماؤه وصفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله فالكلام في الأسماء والصفات مثل الكلام في الذات. Donc ça c'est une règle en fait que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a suivent à propos des noms et des attributs d'Allah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a des attributs. D'accord? Et les créatures aussi ont des noms et ont des attributs. Par exemple, toi tu t'appelles Salman, toi tu t'appelles Isa, moi je m'appelle Suleyman, et il s'appelle Daouda. Donc, on a des noms. Et on a des attributs. C'est-à-dire que on a des caractéristiques, des descriptions qui nous définissent. On a une vue, on a une ouïe, on a une parole, on a des mains, des pieds, des yeux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est qu'est-ce qui nous décrit. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle les attributs, les caractéristiques, des descriptions. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. On sait, on en connaît 99 parmi ces noms. Et les ulama ont expliqué qu'il a plus que 99 noms, mais il nous en a fait connaître 99 et il en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Hein? Ça, c'est mentionné dans les hadiths. Non, non, d'après ce que je sais, de toute façon, on n'a pas le droit d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par un nom qu'il ne s'est pas donné lui-même dans la révélation, c'est-à-dire dans le Coran ou dans la Sunna. Ça, c'est une des règles. Mais, non. Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été mentionné dans les livres des Juifs et des Chrétiens? On sait que ça a été, beaucoup d'entre ces choses-là qui ont été mentionnées dans ces livres-là ont été changées, falsifiées. Il y a des choses qui ont été rajoutées qui ne font pas partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dedans. Et en même temps aussi, on sait qu'il y a beaucoup de choses dans la parole des Juifs et des Chrétiens dans leurs livres qui a été attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des choses qui sont en fait même des insultes pour Allah subhanahu wa ta'ala et des imperfections et des imperfections et des défauts. Et ces choses-là, on n'a pas le droit de les affirmer. Comme par exemple, le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 7 jours. Et ils disent que le 7e jour, il s'est reposé. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on n'a pas le droit d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou le fait de dire qu'il est un père, hein, ou qu'on est les enfants de Dieu, les fils de Dieu, des choses comme ça. On n'a pas le droit de dire ces choses-là, parce que ce n'est pas des choses qui sont en accord déjà avec la réalité et la vérité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître de sa personne dans le Coran et dans la Sunna. Donc, tout. Non. Mais comme tu sais, d'après ce qu'on a expliqué plusieurs fois dans les différents cours, au sujet de la foi en nos livres et en nos messagers, les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, on doit y croire. Les livres, le Coran et les livres précédents, l'Injil, la Torah et les autres. Mais en même temps, on sait que les livres précédents, ils ne sont pas restés intacts. Et donc, quand on dit de croire à la Torah, c'est pas de croire à la Pentateuque des Juifs aujourd'hui qui croient, par exemple, ou des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils croient comme étant les 5 premiers livres de l'Ancien Testament? Eux, ils disent que c'est ça la Torah. Mais nous, on croit pas en ces livres-là comme étant la parole d'Allah. Parce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées déjà, ou enlevées, ou falsifiées. Donc, s'il y a des choses qui ont été mentionnées dedans, nous, on les prend pas comme référence. On prend comme référence le Coran et la Sunna, parce que ce sont les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont préservés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont restés dans leur authenticité. Et on peut être certain que qu'est-ce qui est dit dans ces livres-là, et dans le Coran et dans la Sunna, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité, c'est véridique, c'est authentique. Tandis que qu'est-ce qui est dit dans l'Injil, les quatre évangiles des apôtres qui ont été rassemblés par les chrétiens, ce n'est pas l'Injil que Allah a donné à Isa, alayhi salam. Ça, c'est des livres que des gens ont écrits bien après Isa, alayhi salam. Et c'est des efforts d'hommes, hein, qui ont essayé de rassembler les témoignages de ce qu'ils ont entendu à propos de Isa, alayhi salam. Mais ce n'est pas authentique. Donc, s'il y a dedans la mention du terme père ou fils ou autre, ou de dire qu'il a par exemple, il s'est reposé le 7e jour, ou des choses comme ça, ou bien que on lui affirme des attributs, comme par exemple qu'on dit qu'il s'est battu avec Israël, avec Yaakoub, et qu'il a perdu. Yaakoub l'a a eu le dessus sur Dieu, ou des choses comme ça. Toutes sortes de choses qui sont attribuées à Dieu dans les livres des Juifs et des chrétiens, qui sont des choses complètement fausses. Donc nous, on ne se réfère pas à ces livres-là pour déterminer ou pour comprendre ou connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt on retourne au Coran et à la Sunna. D'accord? Et encore moins, c'est-à-dire on va encore moins retourner aux livres des philosophes, hein, et des penseurs et des théologiens chrétiens ou juifs ou grecs ou hindous ou autres. Et c'est de ça que parle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans ce livre, et qu'il explique comment des gens ont dévié de la croyance islamique à propos d'Allah par le fait qu'ils se sont référés à d'autres références et qu'ils sont retournés à d'autres sources plutôt que de se référer au Coran et à la Sunna qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le cheikh explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a des attributs. Et les créatures ont des noms et ont des attributs. Et il dit, mais les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs des créatures, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. S'il y a une ressemblance dans le nom de l'attribut, c'est uniquement au niveau de qu'est-ce que on, dans, c'est-à-dire c'est uniquement au niveau abstrait que cette ressemblance-là existe. Mais dans la réalité, lorsqu'on dit par exemple à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a une main, et lorsqu'on dit de la créature qu'un être humain par exemple il a une main, et bien à partir de ce moment qu'on a fait la distinction et qu'on a attribué chaque attribut à celui qui la possède, et c'est là que la distinction se fait et qu'on sait qu'il n'y a aucune ressemblance. L'attribut d'Allah correspond et convient à Allah, et l'attribut de la créature correspond et convient à la créature. Et il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il est voyant, il a l'attribut de la vue, hein, al-basar, et il est al-basir. Et l'être humain a la vue, et l'être humain est basir aussi. D'accord? Donc, on voit que l'attribut de al-basar existe pour les deux, pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les créatures. Sauf que dans la réalité, lorsqu'on l'attribue à Allah et lorsqu'on l'attribue aux créatures, eh bien, il n'y a aucune comparaison entre les deux possibles. Puisque la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, partout, sans imperfection, sans limite, sans faiblesse, ainsi de suite. Tandis que les êtres humains ont une vue qui est limitée et ont une vue qui peut voir seulement à une distance, qui peut voir seulement à un certain degré, à un certain niveau, hein, dans le spectre de la lumière, des choses comme ça. Donc, même entre les êtres humains, la vue est entre les animaux, par exemple, si on compare les animaux et les êtres humains, la vue n'est pas la même. Il y a des animaux qui voient des couleurs ou des choses que les êtres humains ne peuvent pas voir. Hein. Il y a des animaux qui voient dans le noir, et ils chassent dans le noir même. Tandis que les êtres humains ne sont pas capables de faire ça. Donc ça, c'est pour dire que s'il y a des différences entre les hommes et les animaux, eh bien, il y a encore plus de différences entre le créateur et la créature. Hein. Et donc, il ne faut pas essayer de nier l'attribut d'Allah pour essayer de prétendre qu'on veut purifier Allah subhanahu wa ta'ala d'une ressemblance qu'on aurait imaginée dans notre esprit, parce qu'il n'y a pas de ressemblance possible. Et c'est ça ce qui est important à comprendre aussi. Donc, il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a un être, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa personne, son être, et on ne sait pas comment il est, et bien, de la même manière qu'on ne sait pas comment son être est, eh bien, on ne peut pas non plus savoir comment ses attributs sont. On ne peut pas les imaginer non plus. Hein? Donc, les êtres humains ont un être, une personne, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a son être, sa personne. la même chose que il n'y a pas de la même façon qu'il n'y a pas de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de la création, eh bien il n'y a pas de ressemblance non plus entre l'être d'Allah et l'être des créatures. Parce que les noms et les attributs suivent la chose à laquelle elles sont attribuées. Hein? Donc de la même manière qu'on ne sait pas comment Allah est, hein, et que c'est seulement Allah qui sait comment il est lui-même, et bien de la même manière, ses noms et ses attributs, on ne peut pas savoir le comment de ces choses-là. On ne peut pas savoir comment est Allah et comment sont ses attributs. Donc, les ulama expriment ça en disant « Fal kalam fil asma'i wa sifat mithlul kalam fil dhat » C'est-à-dire que ce qu'on dit à propos des noms et des attributs, c'est la même chose que ce qu'on dit à propos de l'être. Si on ne peut pas décrire l'être, on ne peut pas décrire les noms et les attributs non plus. C'est ça, ça c'est une règle. Ok? On ne peut pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'imaginer et on ne peut pas savoir comment sont ses attributs et le comment de ses attributs. Après, le cheikh l'islam, il explique, il dit « Laysa kamithlihi shay'un la fi nafsihi al-muqaddasa al-madhkura bi asma'ihi wa sifatihi wa la fi af'alihi fakama yutayaqqan anna Allah subhanahu lahu dhatun haqiqiyya wa lahu af'alun haqiqiyya فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء ولا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم والافتقار والافتقار والافتقار المحدث الى والافتقار المحدث الى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, ni dans son être, ni dans sa personne, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actions. Donc, on ne peut pas le comparer, et on ne peut pas le faire ressembler à quoi que ce soit de ses créatures. Hein? Ni dans sa personne, hein? Ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actions. Et de même qu'on est certain que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un être réel, des actions réelles, et de même qu'il a également des attributs réels, et il n'y a rien qui lui ressemble, ni dans son être, ni dans ses attributs, ni dans ses actions. Et tout ce qui peut impliquer une imperfection quelconque, ou tout ce qui peut impliquer que Allah subhanahu wa ta'ala serait créé d'une façon ou d'une autre, ou qu'il aurait quelque chose en lui qui serait créé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ça réellement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune faiblesse, n'a aucune imperfection et n'a aucun défaut. Et il n'y a rien de ce qui fait partie de ses attributs ou de ses noms ou de son être, de ses actions qui serait créé. Hein? Puisque si tu prétends que, par exemple, quelque chose qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala ou qui a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms, ses attributs, dans sa personne ou dans ses actions serait créé, eh bien, ça voudrait dire que cette chose-là est précédée par la non-existence. C'est-à-dire qu'elle est précédée par le néant, par rien, ou qu'elle n'existait pas auparavant. Et ça, c'est impossible de dire ça à propos d'Allah, que il n'avait pas quelque chose, puis après il l'a eu, ou qu'il a été créé. Il n'existait pas, puis après il a existé. Ça, c'est faux. On ne peut pas dire ça à propos d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours existé, et il existera toujours. Et on dit, « Huwa al-awwal wa al-akhir » Il est le premier et le dernier. « Huwa al-awwal laysa qablahu shay » Il est le premier, il n'y a rien avant lui. وهو الآخر ليس بعده شيء. Il est le dernier, il n'y a rien après lui. Donc, il ne peut pas être créé et rien de ce qui lui appartient par rapport à ses noms et ses attributs et ses actions ne peut être créé également. Et aussi parce que tout ce qui est créé a besoin d'un créateur. Tout ce qui est créé a besoin d'un créateur. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être créé et on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit de ce qui a rapport avec ça. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et aussi parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite la perfection absolue, la perfection suprême, au-dessus de laquelle il ne peut pas y avoir de perfection. C'est-à-dire, c'est la perfection, le summum de la perfection. Ok? Et aussi parce que son existence à lui est obligatoire en elle-même. Elle est nécessaire en elle-même. Puisque c'est lui qui a tout créé, c'est lui le maître de toutes choses. Donc, ça, c'est des paroles que Cheikh al-Islam est en train de mentionner. Il explique ces choses-là d'une façon un petit peu, disons, technique. Hein, c'est des termes qu'il emploie, qui sont les termes des philosophes, des gens de Kalam. Et la raison pourquoi il emploie ces termes-là, c'est pour les réfuter. Parce que des fois, si tu veux réfuter quelqu'un, tu dois connaître son vocabulaire, tu dois connaître son langage, tu dois t'adresser à lui de la façon qu'il va comprendre. Hein? Sinon, tu vas pas être capable de lui faire comprendre qu'est-ce que tu dis. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, non seulement il était un savant et un des grands savants de l'islam, et qu'il était un des imams dans la aqidah et dans tout ce qui a rapport avec le fiqh et l'usul, le tawhid, le tafsir, toutes les sciences islamiques, il maîtrisait ça. Mais en plus, il a étudié les sciences même des gens de bid'ah, des gens de kalam, et la philosophie, il les maîtrisait aussi, ces sciences-là. Et il les a appris dans le but de les réfuter. Uniquement dans le but de les réfuter. Et dans aucun autre but que ça. Et donc, il utilisait ces termes, ou parfois ces expressions qui sont utilisées par les gens de kalam, dans le but de les réfuter. Hein? Pas dans le but de justifier l'utilisation de ces termes-là. Ou de dire que c'est comme ça qu'il faut parler à propos d'Allah. Puisqu'il n'y a personne qui parle mieux d'Allah que lui-même. C'est-à-dire que Allah lui-même. Donc si tu veux parler d'Allah, tu utilises qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa personne dans le Coran. Et qu'est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans la sunna. Hein? Et c'est comme ça que tu vas éviter de parler d'Allah avec des termes qui sont incorrects, ou d'attribuer à Allah des choses fausses, ou de lui nier des choses qu'il s'est affirmé pour lui-même. Hein? C'est ça qui est dangereux. Tu nies ce que Allah a affirmé, ou tu affirmes ce que Allah a nié. Ça c'est très dangereux. Que tu parles à propos d'Allah et que tu agisses de cette façon-là. Hein? Tu nies ce que Allah a affirmé dans la révélation, ou tu affirmes ce que Allah a nié. Est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a nié? Ça c'est très dangereux. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là qu'on vient de lire en disant لِأَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْسِ وَالنَّقْسِ ضِدُّ الْكَمَالِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لَا يَعْتَرِيهِ زَوَالُ وَلَا نَقْسِ الْحُدُوثُ هُوَ حُصُولُ الشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وهذا لا يليق بالله عز وجل فهو سبحانه بأسمائه وصفاته أزلي ليس قبله شيء لأن الحادث يستوجب أمرين أولا يستوجب أنه مسبوق بعدم لا يقال حادث إلا إذا كان مسبوقا بعدم وثانيا أن الحادث لا بد له من محدث أن الحادث لا بد له من محدث والفعل لا بد له من فاعل والله منزه عن هذا منزه عن العدم وعن الحدوث في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il est purifié de toute imperfection, de tout défaut, et l'imperfection c'est le contraire de la perfection. النقص ضد الكمال. Donc c'est l'opposé de la perfection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la perfection absolue, totale, complète. Hein? Et il n'y a aucune imperfection et aucune faiblesse, aucun défaut qui le touche. Et de même que il n'y a rien en lui qui est créé ou qui apparaît alors qu'il était absent auparavant. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'existait pas préalablement. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, il sait tout. Et il n'y a pas une chose dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était précédée par l'ignorance. Hein? La connaissance de l'homme, elle est précédée d'ignorance. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée d'ignorance. Il était toujours omniscient. Il a toujours su toute chose. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et donc, il n'y a pas de création ou de choses créées par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cela ne lui convient pas. Ça ne convient pas d'attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est éternel dans ses noms et dans ses attributs. Et il n'est pas, il n'y a rien qui le précède, il n'y a rien avant lui. Hein? Et comme on a dit, il est le premier. Il n'y a rien avant lui, il est le dernier, il n'y a rien après lui. Et parce que le fait de dire que quelque chose est créé, ça implique deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, premièrement, ça implique que la chose elle-même est précédée par l'inexistence. Et on ne peut pas dire d'une chose qui est nouvelle ou qui est créée qu'elle est précédée, excepté qu'elle est précédée par l'inexistence ou le fait de ne pas exister. Hein? Et deuxièmement, parce que la chose créée, elle nécessite ou elle a besoin d'un créateur, de quelque chose qu'il a créé elle-même. Et une action a besoin d'un sujet. Hein? Une action a besoin d'un sujet qui fait cet acte, qui fait l'action ou le geste. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est purifié donc de ce genre de choses, c'est-à-dire d'être créé, parce qu'il n'est pas précédé par le néant ou par l'inexistence, et parce qu'il est lui-même le créateur de toutes choses, et qu'il n'y a rien avant lui, il n'y a rien en lui qui est créé, ni dans son être, ni dans ses noms, ni dans ses attributs. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il explique maintenant la position des salafs par rapport au ta'til et au tamthil, et il explique que la voie d'Ahl al-Sunnah, c'est d'être au juste milieu dans ces questions-là et de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Donc, Cheikh al-Islam, il dit « وَمَذْهَبُ السَّلَفْ بَيْنَ التَّعْتِيلِ وَبَيْنَ التَّمْثِيلِ فَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِ اللَّهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ كَمَا لَا يُمَثِّلُونَ ذَاتَهُ بِذَاتِ خَلْقِهِ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique que la voie des salafs, c'est la voie qui est le juste milieu entre le ta'til et le tamthil. Le ta'til, on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. OK, de les nier ou de les vider de leur sens. D'accord? Comme ceux qui disent Allah il n'est pas au-dessus de son trône, Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de yeux, Allah n'a pas de vue, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent par exemple Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas au dernier des tiers de la nuit, au dernier des cieux, et ainsi de suite. Donc ils nient ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé, et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah. On a parlé de ce point-là déjà, c'est-à-dire que c'est clair que ce sont des gens de bid'ah, mais parmi eux, il y en a qui vont à l'extrême dans la négation. Et ceux-là, les ulama les ont déclarés kuffar, comme les Jahmiyyah. Parce que les Jahmiyyah, ils ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Et ils n'ont rien dit à propos d'Allah, ils n'ont rien affirmé à propos d'Allah, excepté qu'il existe. Ils disent Allah existe. Mais on ne peut rien dire d'autre à propos de lui. Donc, il lui affirme uniquement l'existence. Hein? Et il y a les Mu'tazila, eux, qui ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala des noms, mais qui ont vidé ces noms-là de leur sens, de leur signification. Donc, nous, on sait, comme par exemple, quand Allah il dit qu'il est Al-Basir, que ça implique qu'il a l'attribut de Al-Basar. Hein? Ou quand on dit qu'il est Al-Alim, qu'il a l'attribut de Al-Ilm. C'est-à-dire que si on dit qu'il est voyant, que ça implique qu'il a la vue. Si on dit qu'il est le Sal, omniscient, ça implique qu'il a la science. Mais eux, non. Ils disent non. Chaque nom d'Allah est un nom qui n'a aucune signification. Et ils nient l'attribut qui est relié au nom. Et ils n'affirment à Allah aucune attribut. Et toutes les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, ils les nient, soit directement ou indirectement. Comme par exemple, ils vont les déformer, leur donner une autre signification, pour essayer de dire, ça ne veut pas dire ça, c'est symbolique, c'est allégorique, c'est pas réel. Et il y a les Mu'tazila, il y a les Asha'ira, eux, ils affirment les noms, et ils affirment sept attributs, mais les autres attributs, en dehors de ces sept, ils les déforment de leur sens, ils ne les affirment pas, refusent de les affirmer. D'accord? Donc, ils disent qu'ils affirment uniquement les attributs qui sont prouvés par la raison. Hein, c'est ça leur argument. Et ils disent que les autres attributs, ils les nient. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que ces attributs-là impliquent une ressemblance avec le Créateur, et donc ils les rejettent. Alors qu'elles sont clairement mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, c'est ça le danger de ces voies de bid'ah. Donc, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah entièrement, hein, ceux-là, les ulama les ont considérés comme des kuffars, les jahmiyyah. Et encore là, ils n'ont pas déclaré tous les individus qui prétendent ou qui suivent cette voie nécessairement de kuffar. Ils ont déclaré plutôt ceux qui sont parmi leurs têtes ou leurs imams, hein, et qui, par exemple, on a établi la preuve contre eux et qu'ils ont persisté. Ceux-là ont été déclarés kuffars, tandis que les autres qui ont juste été des suiveurs, les ulamas souvent les ont excusés. Et même Ibn Taymiyyah, il disait par exemple à certains d'entre eux, il disait, si moi je disais ce que vous dites, je serais kafir. Mais vous, vous êtes des ignorants. Alors il ne les déclarait pas kuffars. Hein? Non, ils parlent, ils disent ce qu'ils disent, mais ils ne réalisent pas qu'est-ce que ça implique comme kufr. Hein? Soit à cause de leur manque de compréhension, ou leur manque d'intelligence, ou bien leur manque de connaissance, et ainsi de suite. Donc, à cause de ça, tu vois, ils n'arrivent pas à cerner ou à comprendre la gravité de ce qu'ils disent. Donc, c'est pour ça. Donc, les ulama, ils sont très prudents dans les questions de takfir. Ils ne font pas le takfir facilement comme ça. Et les Asha'ira, eh bien, c'est la même chose. Yani. Et les ulama les ont considérés comme étant des gens de bid'ah. Ils ont dit qu'ils ne font pas partie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Parce qu'ils nient les noms et les attributs d'Allah. Ils nient les attributs d'Allah, pardon. Donc ils déforment de leur sens les attributs en dehors de ces sept attributs qu'ils affirment. Hein. Donc à cause de ça, ils ont déclaré des mubtadi'a, des gens de bid'ah. Et donc c'est ça. Ça c'est un résumé par rapport à cette question. Et donc Cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la voie des salafs c'est une voie qui est entre le ta'til, c'est-à-dire la négation des attributs, et le tamthil, c'est-à-dire de faire une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc le Cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie. إذ مذهب السلف وسط بين التعطيل الذي هو مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يغلون في التنزيه حتى ينفون عن الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه وبين الممثلة الذين يغلون في إثبات الأسماء والصفات ويشبهون صفات الله بصفات خلقه فالمعطلة غلوا في التنزيه والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة توسطوا أثبتوا لله أسماء وصفات خلافا للمعطلة، ونفوا عن الله المشابهة خلافا للمماثلة والمشبهة، فهم وسط ولله الحمد سلموا من الآفتين من التعطيل ومن التمثيل. Donc le cheikh il dit que la voie des salafs c'est une voie qui est entre le ta'til, des gens de la négation, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les Jahmiyyah, parmi les Mu'tazila et parmi les Asha'ira, ceux qui ont exagéré dans le fait de vouloir purifier Allah des imperfections et des défauts. Ils ont tellement voulu, disons, purifier Allah ou exempter Allah des défauts et des imperfections qu'ils sont allés jusqu'à nier même les attributs d'Allah qu'il s'est affirmé lui-même, et les noms et les attributs qu'il s'est affirmé lui-même. Et la raison pourquoi il nie les noms et les attributs, c'est parce qu'il prétend que de les affirmer, ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc pour éviter de faire des ressemblances entre le Créateur et la créature, ils ont préféré nier les attributs d'Allah. Hein? Et donc ça c'est un exemple, ça c'est un extrême, et les gens de la Sunna sont entre cette voie-là et la voie des Mumathila. Les Mumathila, c'est qui? C'est ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa création. Ils font ressembler Allah aux créatures, ou ils font ressembler les créatures à Allah. Hein? Et donc, ils affirment les attributs et les noms, mais ils les affirment d'une manière exagérée. Ils vont les affirmer jusqu'à dire, oui, on les affirme, mais on dit que les attributs que Allah s'est affirmé lui-même, c'est la même chose que les attributs des créatures. Et ça, c'est faux. Donc, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui nient les attributs parce qu'ils ont peur de faire ressembler Allah à sa création, et il y a ceux qui affirment les attributs, mais qui les affirment à l'extrême au point de faire ressembler Allah à sa création. Et les gens de la Sunna sont au juste milieu entre ces deux voies-là, c'est-à-dire on affirme les attributs sans faire de ressemblance avec Allah, entre Allah et sa création. Donc on les affirme, on ne les nie pas, mais on ne va pas les affirmer au point de faire des ressemblances entre Allah et sa création. C'est ça la différence, et c'est ça qui fait qu'on est dans le juste milieu entre ces deux voies d'égarement. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, parmi les mushabbiha, les gens qui font des ressemblances entre Allah et sa création, des gens qui donnent à Allah des attributs humains, comme les chrétiens. Hein? Par exemple, les chrétiens, ça c'est un exemple, parce qu'ils vont dire, par exemple, que Dieu, par exemple, il s'est fatigué, le septième jour il s'est reposé. Ça c'est une attribut humain. Ils ont fait ressembler le Créateur à la créature. Et ça, c'est kouf. Hein? La même chose pour celui qui, par exemple, va dire... par exemple, ceux qui disent... comme Jésus, par exemple, il dit Jésus et il connaît... il prétend qu'il connaît l'invisible, ou qu'il connaît l'avenir, ou qu'il connaît... qu'il peut pardonner les péchés, ou qu'il peut faire vivre les morts, des choses comme ça. Nous, on dit, bon, Jésus ne peut pas faire vivre les morts. Mais c'est un miracle qu'Allah lui a permis de faire, mais il le fait par la permission d'Allah. Hein? Ce n'est pas lui qui le fait de lui-même. La même chose pour le fait qu'il prétende qu'il connaisse l'invisible ou le rêve, ça c'est faux aussi. Et lui-même, qu'est-ce qui est mentionné dans leur livre, encore aujourd'hui, qui est falsifié, malgré tout, c'est écrit dedans. Il a dit, nul ne sait l'heure. Hein? Donc ça veut dire, même, il a dit, même le Fils ne sait l'heure. Et même le Fils, il s'appelle le Fils dans la Bible, il l'appelle comme ça. Il a dit, je ne sais pas l'heure, ni les anges, ni le Fils. Seul Dieu sait l'heure. Donc ça, c'est pour dire qu'il mentionne qu'il sait, il y a des choses qu'il ignore. C'est la preuve qu'il n'est pas omniscient comme Allah. Hein? Mais il y en a qui croient qu'il l'est. Parmi les musulmans aussi, il y en a qui affirment à leurs chouyours, aux prophètes, hein, la connaissance de l'invisible. Et ça, c'est aussi c'est du shirk et du kufr. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ghaib. Personne ne connaît le ghaib excepté Allah. Donc d'affirmer ces attributs-là, qui sont des attributs divins, et de les donner à une créature, c'est de faire ressembler la créature à Allah, et ça c'est du shirk. Et la même chose si tu fais le contraire, tu donnes à Allah une créature d'un être humain. Comme si par exemple, parmi les Rafida, parmi les sectes des Shia, il y en a qui ont fait le tashbih, qui ont dit par exemple que Dieu, il a des mains comme les mains des êtres humains, ou il a des yeux comme les yeux des êtres humains. Ça c'est tashbih, ça c'est kufr. Celui qui dit ça, c'est un mushrik, c'est un kafir, pas un musulman. Hein? Donc, vous voyez souvent, par exemple, les Ahbash, ce qu'on appelle la secte des Ahbash et la secte des Asha'ira, ils accusent les musulmans salafis, ceux qui suivent le Coran et la Sunna, d'être des mushabbiha. De fait, ils traduisent ça en français en disant des anthropomorphistes. Donc, ils disent, vous, les salafis ou les wahhabites, comme ils aiment nous appeler, vous êtes des anthropomorphistes. Et on leur dit, pourquoi vous dites qu'on est des anthropomorphistes, des mushabbiha, et eux, ils répondent en disant, mais vous dites que Allah a une main, vous dites que Allah a des yeux, vous dites que Allah est au-dessus de son trône. Et des exemples comme ça. Et nous, on leur répond en disant que ce que on affirme par rapport à ces attributs-là, c'est ce que Allah lui-même a dit dans le Coran, hein, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. Donc, est-ce que vous allez dire d'Allah ou de son messager qu'ils ont appelé les hommes à être des anthropomorphistes? Non. Nous, on affirme les attributs que Allah s'est affirmé lui-même, et on affirme à Allah ces attributs-là et ces noms-là, et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah, on l'affirme aussi, mais en même temps, on sait, comme Allah l'a dit, « Laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ». C'est-à-dire, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'est l'audient et le voyant. Donc, on voit que dans le même verset, il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Il a une ouïe et il a une vue. Mais son ouïe et sa vue, si on les affirme, ça n'implique pas une ressemblance avec l'ouïe et la vue des créatures. Parce qu'il n'y a pas de comparaison possible. Les deux sont différents. Hein? Allah, il est parfait, l'être humain est imparfait, illimité. Hein, donc ça c'est un exemple. Ces gens-là, donc, comme on l'a dit, ils nient les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de cette façon-là. Hein, parce qu'ils prétendent que c'est de faire ressembler Dieu à sa création. Donc nous on dit non. On ne dit pas que Allah il a des mains comme les mains des êtres humains ou comme les mains des animaux. Ou que Allah a un visage comme le visage des êtres humains, des animaux. Non. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage qui lui convient. Qui convient à sa perfection et à sa majesté. Et il a des mains qui conviennent à sa majesté, à sa perfection et à sa grandeur. Et la même chose pour les autres attributs. Hein? Et on ne cherche pas à savoir le comment ou à le demander. Ça, c'est des choses qui ne font pas partie de l'islam, on n'a pas le droit de demander le comment par rapport à Allah. Hein? Al-kayf, comme l'imam Malik a dit, al-istiwa ou ma'loum, ou al-kayf ou majhoul, ou al-iman ou bihi wajib, ou su'al ou anhu bid'ah. C'est-à-dire, l'istiwa, le fait qu'Allah soit élevé au-dessus de son trône, ou qu'il soit monté au-dessus du trône, ça c'est quelque chose qui est connu. Dans la langue arabe, on connaît le terme istawa, qu'est-ce que ça veut dire? Et on sait la définition. Hein? Et Al-Kayf, par contre, le comment, c'est ce qu'on ignore, on ne sait pas comment il est. On ne peut pas comprendre. Parce qu'Allah ne nous a pas dit comment. Hein? Wal-Iman bihi wajib, et c'est obligatoire d'y croire. Was-su'al anhu bid'ah, et de poser la question au sujet du comment, c'est une innovation. On n'a pas le droit de poser la question à propos du commun. Hein? Et donc, c'est ça l'exemple qu'on a mentionné par rapport à la voie d'Ahl Sunnah. On affirme les attributs d'Allah sans tomber dans le tashbih, et on ne nie pas les attributs d'Allah. On nie la ressemblance, mais on ne nie pas les attributs. Hein? Et donc, on a été épargné des deux malaises et des deux erreurs, des deux fautes que ces deux sectes ont commis, la faute de la négation et la faute de, de vouloir faire ressembler Allah à sa création. Et le cheikh dit « هذه القاعدة في مذهب السلف أنه دائما مذهب الاعتدال بين الطوائف بين طوائف الضلال وكذلك جعلناكم أمة وسطا فكما أن الأمة وسط بين الأمم فأهل السنة وسط بين الفرق الضالة. » Donc le cheikh il dit que ça c'est une règle chez la dans les pour la voie des gens qui suivent la voie des salaf salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. C'est que ils disent que la voie des salafs, elle est toujours dans le juste milieu et dans la modération entre les différentes sectes d'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 143 dans Sourate Al-Baqarah, c'est ainsi que nous avons fait de vous une umma, une nation du juste milieu, hein, une nation bien équilibrée. Hein, et le cheikh il dit donc de la même manière que la umma de l'islam elle est dans le juste milieu par rapport aux autres religions, eh bien les gens de la sunna dans l'islam sont dans le juste milieu par rapport aux sectes d'égarement. D'accord? Donc ça c'est important. Et Ouais, il y a des exemples de ça qui sont mentionnés même dans le Coran, par rapport à la voix, par rapport à la façon de marcher, et ainsi de suite. Ça fait partie des exemples qui montrent que la façon dont le musulman est dans le juste milieu, qu'il s'éloigne des extrêmes. Mais il y a des exemples encore plus frappants par rapport à la croyance même, par rapport au fondement même de la croyance islamique, par rapport aux autres religions qui montrent comment l'islam est au juste milieu par rapport aux juifs, par rapport aux chrétiens, par exemple. Et juste pour te donner un exemple, la position qu'on adopte par rapport à Isa ibn Maryam. Les juifs accusent Isa ibn Maryam d'être un enfant illégitime. Les chrétiens font de Isa un dieu et ils l'adorent. Hein? Et les musulmans sont dans le juste milieu entre ces deux. Entre ces deux-là. C'est-à-dire que nous, on dit de lui qu'il est un enfant légitime, qui est né dans, par miracle. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé dans le ventre d'une femme, dans le ventre de sa mère. Et en même temps, on dit pas de lui qu'il est Dieu pour ça. Hein, plutôt, on va dire que c'est un messager, un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour les fils d'Israël. Hein. Et donc, on est ni dans un extrême, ni dans l'autre, par rapport à Isa ibn Maryam. Et ça, c'est un exemple seulement, pour juste te donner comme ça, mais on a l'exemple ici aussi, parmi les exemples des croyances déjà de la sunna, par rapport aux gens de Bid'a et aux gens d'Egarma, eh bien, il y en a qui sont tombés dans le ta'til, ils ont nié les attributs d'Allah, et il y en a d'autres qui sont tombés dans le tashbih, ils ont fait ressembler Allah à sa création, mais nous, on a évité ces deux extrêmes, et on affirme les attributs sans tomber dans le tashbih. On affirme les attributs d'Allah, mais on ne fait pas de ressemblance entre Allah et sa création. Donc ça, c'est un exemple pour faire comprendre. Et on sait que la priorité dans la religion et la base de la religion, c'est la croyance. Donc avant de parler de façon de marcher ou de façon de parler, ça, c'est des choses qui sont bonnes, qui font partie de la religion, mais qui ne sont pas fondamentales par rapport à la croyance. Et donc, il faut savoir mettre les choses à leur place et donner à chaque chose son importance dans la religion telle que Allah les a placés. Et juste une note par rapport aux Ahbash aussi, qui traitent les musulmans salafis de Mushabbiha. ceux qu'ils appellent les Wahhabiyyah, ils disent qu'on est des Mushabbiha ou des anthropomorphistes, eh bien, il faut savoir que quand on regarde les différentes sectes qui ont dévié au sujet des noms et des attributs, comme on a mentionné tout à l'heure, par exemple, les Jahmiyyah, eux, ils nient tous les noms et les attributs. Hein? Ils n'affirment rien des noms et des attributs. Et les Mu'tazila, comme on l'a dit tout à l'heure, eux, ils affirment les noms. Alors, les Jahmiyyah ont traité les Mu'tazila de Mushabbiha. Pourquoi? Ils les ont traités d'anthropomorphistes parce qu'ils affirment des noms à Allah. Hein? Donc, et les Asha'ira, eux, ont réfuté les Mu'tazila. Et ils ont dit, vous devriez affirmer des attributs parce qu'il y a des attributs qui sont affirmés ou prouvés par la raison. Donc, ils ont affirmé sept. Alors, les Mu'tazila ont traité les Asha'ira d'anthropomorphistes parce qu'ils ont affirmé sept attributs. Hein? Ils ont dit, les Mu'tazila ont dit aux Asha'ira, vous dites que, Allah, parce qu'eux, ils affirment sept attributs. Si je me souviens bien, ces sept attributs-là, c'est quoi? C'est, par exemple, la vue, l'ouïe, la science, la volonté, la puissance, la parole et je crois que c'est la sagesse, la dernière, le hikmah ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire. Donc, ils affirment ces attributs-là. Alors, on leur dit, vous, les Mu'tazila ont dit au Asha'ira, pourquoi vous affirmez ça? Ça, c'est des attributs qui existent chez les êtres humains. Hein? Et les Asha'ira ont répondu aux Mu'tazila, ils ont dit, oui, c'est vrai, les êtres humains ont la vue et Allah a la vue. Les êtres humains ont l'ouïe et Allah a l'ouïe. Les êtres humains ont la volonté et Allah a la volonté. Et ainsi de suite. Sauf que la volonté d'Allah, elle n'est pas comparable à la volonté des êtres humains. Et l'ouïe d'Allah n'est pas comparable à l'ouïe des êtres humains. Et ainsi de suite. Donc, ils ont répondu aux Mu'tazila en leur disant, non, on n'est pas des Mushabbiha parce qu'on les affirme, ces attributs-là, mais on ne les affirme pas de la même manière que celles des créateurs. On affirme à Allah des attributs qui conviennent à... On attribue à Allah des attributs qui conviennent à Allah et qui sont différents de celles des créateurs. Alors, nous, on regarde qu'est-ce que les Asha'ara répondent au Mu'tazila, puis on dit, ben dans ce cas-là, pourquoi vous ne suivez pas la voie des salafs? Parce que l'argument que vous donnez au Mu'tazila pour affirmer ces sept attributs, c'est le même argument qu'on peut utiliser contre vous pour affirmer toutes les attributs, sans exception. Donc pourquoi vous en affirmez sept seulement, puis vous refusez d'affirmer les autres? Hein? Si vous dites par rapport à l'ouïe ou la vue ou la volonté ou la science que c'est une science ou une vue ou une volonté qui est différente de celle des créateurs, eh bien vous pouvez dire la même chose aussi par rapport à par exemple la colère d'Allah, la miséricorde d'Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main ou a des yeux ou par exemple qu'il est au-dessus de son trône et ainsi de suite. Hein? Donc pourquoi nier alors que vous pouvez l'affirmer sans faire de ressemblance? C'est pour dire que le fait que eux-mêmes ils nous traitent de Mushabbiha, d'anthropomorphistes, alors que eux aussi ont été traités d'anthropomorphistes par les Mu'tazila. Hein? Et les Mu'tazila ont été traités d'anthropomorphistes par les Jahmiyyah. Hein? Donc c'est pour dire que s'ils veulent utiliser ça comme attaque contre nous, eh bien, on peut leur répondre. Et qu'eux aussi ont reçu ces attaques-là de la part d'autres sectes aussi. Le cheikh il dit ensuite, فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. C'est-à-dire, ils ne font pas de comparaison entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création, et ils ne font pas non plus de la même manière qu'ils ne font pas de comparaison entre l'être d'Allah et l'être de ses créatures. Il dit khilafan lil mumathila wal mushabbiha. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit khilafan lil mumathila wal mushabbiha. Fat tashbihu al-khaliq bi makhluqin naqsun fi haqqillahi azza wa jal. Donc il dit, on ne fait pas de comparaison ou de ressemblance entre l'être d'Allah et l'être de ses créateurs, contrairement aux anthropomorphistes et aux mushabbihah, ceux qui font des ressemblances entre le créateur et la créature, parce que eux, ils font ressembler le créateur à ses créatures, et ça, c'est une imperfection à propos d'Allah. Donc, c'est pour ça que c'est du kufr. Hein, ils affirment à Allah des faiblesses et des défauts et des imperfections. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. Et ils ne nient pas à Allah ce que Allah s'est décrit ou s'est attribué à lui-même. Ils ne le nient pas et ils ne nient pas non plus ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on affirme ce qu'Allah et son messager ont affirmé comme attribut à Allah, et on nie ce que Allah a nié, ainsi que son messager. Par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on nie ce que Allah a nié, ainsi que son messager. Et il dit, وَلَا يَغْلُونَ Cheikh Al-Fawzan, il dit, وَلَا يَغْلُونَ فِي التَّنْزِيهِ حَتَّى يَنْفُوا مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Hein? Donc, il dit, c'est-à-dire, il n'exagère pas dans la purification au point de nier ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut. Donc, on ne va pas aller dans l'extrême, l'exagération. Naam. Après, il dit, فَيُعَطِّلُونَ أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ أَوْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. Donc on ne peut pas non plus nier les noms, les beaux noms d'Allah et les attributs élevés qu'il s'est attribué à lui-même, et on ne va pas non plus déformer le sens de la parole de son contexte, et on ne va pas dénaturer les noms d'Allah ainsi que ses sens, ainsi que ses signes. Ça c'est pour réfuter les gens du ta'wil, les gens du ta'wil qui est en réalité une forme de déformation, de falsification du sens des attributs d'Allah. Comme par exemple, à propos de la main d'Allah ou à propos d'autres attributs, par exemple la main, ils vont dire non. Quand Allah dit main dans le Coran, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force, ça veut dire la grâce. Hein? Donc ça, c'est les gens de Kalam, les gens de les Asha'ira, les Ahbash, ces gens-là, ils ne veulent pas affirmer à Allah les attributs qu'il s'est mentionnés pour lui-même. Alors, ils vont essayer de donner à ces attributs une autre signification pour essayer de sortir de qu'est-ce qu'ils prétendent être de la ressemblance entre Allah et sa création ou de l'anthropomorphisme, comme ils prétendent. Donc nous on dit, il n'y a pas besoin de déformer le sens de l'attribut, déjà en partant parce qu'il n'y a pas de ressemblance. Donc s'il n'y a pas de ressemblance, pourquoi essayer de nier, hein, ou de déformer le sens de l'attribut et de lui donner un sens qui n'a aucun lien avec la signification de ce mot-là dans la langue arabe, hein, et qui n'est supporté par aucune preuve du Coran et de la Sunna. Donc hein, on n'a pas le droit de déformer le sens des attributs d'Allah et on doit les affirmer tels quels. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وَالْإِلْحَادِ هُوَ الْمَيْلِ وَمِنْهُ سُمِّيَا الْلَحْدِ فِي الْقَبَرِ لِأَنَّهُ مَائِلٌ عَنْ سِمَةِ الْقَبَرِ فَالْإِلْحَادُ فِي اللُّغَةِ الْمَيْلِ والمراد به هنا الميل عن الحق. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه Donc le cheikh il dit que al-ilhad ça signifie en arabe al-mail. Al-mail ça veut dire d'avoir un penchant ou de pencher, et c'est pour ça qu'on appelle dans la tombe al-lahd, c'est-à-dire quand on creuse une tombe, on fait un espace d'un côté de la tombe au fond, on creuse un espace au fond pour rentrer le corps dans ce, dans cet espace-là. Par la suite, on appelle ça al-lahd. Et on appelle al-lahd. Pourquoi? Parce que c'est comme incliné, c'est comme penché. C'est pas directement en, dans le trou, hein. C'est un côté à côté du trou. Donc, c'est de là que vient al-ilhad, le terme ilhad. Et dans la religion, on veut dire le fait de pencher, c'est-à-dire de se détourner de la vérité. Et le terme ilhad, vous allez voir par exemple dans les dans l'arabe que les gens parlent aujourd'hui quand ils disent à de quelqu'un qu'il est un mulhid, hein, ou qu'on dit le terme ilhad, c'est pour désigner un athée, c'est-à-dire quelqu'un qui nie l'existence d'Allah. Toutefois, dans la terminologie du Coran et des paroles des ulama, al-ilhad, ça ne se limite pas juste à nier l'existence d'Allah, mais ça s'applique même à toute personne qui nie même un seul attribut d'Allah. Hein? Tu comprends? Donc, pour être un mulhid, ça ne veut pas dire que tu vas nier l'existence d'Allah. Même si tu affirmes son existence, mais que tu nies ses noms ou ses attributs, tu es un mulhid quand même. D'accord? Et al-lahd, ça veut dire de dénaturer ou de déformer le sens aussi. Donc il y a des, par exemple, les Asha'ira, les Maturidiya, ces gens-là, ils nient les attributs indirectement en déformant le sens. Donc, quand tu déformes le sens, en même temps, tu nies la réalité de l'attribut. Hein? Et c'est une forme, donc, de négation aussi. C'est une forme de ilhad. Et il mentionne le verset 180 dans Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceux-ci, et laissez ceux qui dénaturent ces noms. Hein? Et ça, c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui agissent de cette façon-là. يُلْحِدُونَ فِيهَا إِمَّا بِالتَّعْطِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَإِمَّا بِالتَّكِيفِ وَالتَّمْثِيلِ وَالْحَقُّ إِثْبَاتُهَا كَمَا جَاءَتْ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. Donc le cheikh, il dit, quand Allah dit dans le verset الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, c'est-à-dire ceux qui dénaturent ses noms, le cheikh explique que ça, c'est soit parce qu'ils font le ta'til ou le tahrif. C'est-à-dire, ils font le ta'til, ils nient les attributs, ou ils déforment leur sens, ou la lettre. Hein? Donc, ils essaient de falsifier le sens, ou le mot lui-même. Ou bien, de faire le takif ou le tamthil, c'est-à-dire, de demander le commun, ou bien de faire des ressemblances entre le créateur et la créature. Alors que la réalité, la vérité, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'affirmer les attributs d'Allah tels qu'ils sont dans la révélation et de ne pas essayer de les nier ou de les déformer de leur sens réel. Tu voulais poser une question? Tashbih et tamthil, oui, mais ça ressemble, ça, c'est parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est ça que je conseille à tous les gens qui apprennent ce sujet-là pour la première fois, c'est de les écrire tous un après l'autre. Hein? Tu vas écrire par exemple ta'til, tu vas écrire yani tamthil, tu vas écrire tashbih, tu vas écrire takif, tu vas écrire tahrif, et tu vas écrire la définition de chacun de ces termes-là, un après l'autre, et tu essaies de les comprendre et de les connaître, et tu les apprends, et comme ça tu vas être capable de te familiariser plus facilement avec ces termes là parce que sinon au début c'est sûr que c'est un petit peu quand c'est nouveau, c'est quelque chose qui mélange peut-être la personne qui n'est pas habituée, qui ne connaît pas, mais à force de les étudier, tu vas les connaître, et donc après tu seras plus mélangé avec ça. Et il y a aussi le terme tafwid, qu'on en a parlé dans les cours précédents. Donc, tout ça, c'est des terminologies, tu vois, c'est des mustalahat, comme on dit. Une fois que tu les as appris, tu as appris leur définition, eh bien, tu vas les connaître. Et dans tous les domaines, dans toutes les sciences, il y a des terminologies. en médecine, en informatique, dans tous les domaines, en psychologie ou quoi, peu importe la science, il y a des terminologies que si tu veux comme comprendre qu'est-ce qui se dit dans ce domaine-là, il faut connaître ces termes-là, sinon tu vas rien comprendre. Donc ça va être comme du chinois. Mais tu vas aller voir par exemple n'importe quel, même des gens qui sont arabes, arabophones par exemple, qui connaissent la langue arabe mais qui n'ont pas étudié la aqida, qui n'ont pas étudié ces terminologies-là, et tu vas leur parler, tu vas leur mentionner, tu vas leur lire les paroles de Ibn Taymiyyah ici, ils vont pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire parce qu'ils l'ont pas étudié. Tu vois, c'est des terminologies. Même si tu connais l'arabe, tu vas pas savoir ce que ça veut dire parce que c'est des termes qui ont une signification dans leur contexte qui est spécifique à cette science-là. Sinon, ça peut peut-être avoir une autre signification dans un autre contexte. Hein? Donc ça, c'est important à comprendre. C'est pour ça des fois tu vois des gens, ils ont pas étudié la aqida. Et ils prennent les livres d'Aqida et commencent à lire et disent « Ah, mais l'Aqida c'est compliqué, je comprends rien. » C'est long parce que tu n'as pas appris les terminologies, tu n'as pas appris les définitions, tu n'as pas appris le langage. Hein? Donc une fois que tu l'as appris, que tu comprends ce que ça signifie, eh bien après ça devient facile. Hein? Exactement. Donc, ensuite, donc on était rendu là. هذه وكل واحد من فريقي أنا وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التمثيل وبين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. Donc là le cheikh il explique la réalité de ce que font les gens de bid'a parmi les gens qui nient les attributs d'Allah. Ou parmi les gens qui font du tamthil, c'est-à-dire ils font ressembler Allah à sa création. Il dit, les deux groupes, hein, que ce soit les mumathila ou les mu'abtila, ceux qui nient ou ceux qui font ressembler Allah à sa création, les deux ont réuni le ta'til et le tamthil. C'est-à-dire les deux, ils font, de toute façon, les deux, ils tombent dans la négation et dans le fait de faire des ressemblances entre le créateur et la créature. Et il explique comment il tombe dans cet extrême-là. Il dit par exemple, les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, déjà ils n'ont pas compris la signification de ce que Allah a mentionné de ses noms et de ses attributs dans la révélation. Excepté ce qui est compris chez la créature. Donc quand ils entendent le Coran et qu'ils entendent Allah dire qu'il a une main, qu'il a des yeux, hein, qu'il est au-dessus de son trône, et ainsi de suite, eux, ils comprennent de ça dans leur imagination, ils comparent ça tout de suite dans leur tête à l'attribut des créatures. Et ils disent, on ne connaît pas d'autre sens à ces attributs-là que ce que possèdent les créatures. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils imaginent et qu'est-ce qu'ils comprennent? C'est les attributs des créatures. Donc, ils font le tashbih dans leur esprit. Ils imaginent Allah dans leur esprit comme un être humain ou comme une créature. Et à cause de cette mauvaise compréhension qu'ils ont, ils se précipitent vers la négation pour essayer d'éliminer cette ressemblance-là. Donc ils tombent dans la négation de l'attribut. Ok? Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam il dit, ils ont fait en premier le tashbih. Et après, ils sont tombés dans le tartif à cause de ça. D'accord? Parce que, premièrement, ils disent, ils ont nié en premier. Et ils ont nié en premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont imaginé une créature. Donc, ils ont nié ces attributs-là parce qu'ils ont dit que c'est les attributs de la créature. Donc, ils ont nié ça. Et après, ils ont fait le tashbih dans leur esprit et donc ils sont tombés ensuite dans la négation. C'est ça. En premier, ils ont fait la ressemblance. Donc, comparer Allah et sa création. Après, ils ont nié. Naam. Donc, ça, c'est une forme de tashbih qu'ils ont fait à cause de leur mauvaise compréhension. Et une forme de ta'til parce qu'ils ont nié à Allah les noms et les attributs qu'il mérite et qu'il s'est attribué à lui-même et qui sont convenables à sa perfection et à son être. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il répète qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit pour dire que les mu'abdila, les négateurs, sont en fait des gens qui font des ressemblances entre Allah et sa création. Pourquoi? Parce qu'ils ont imaginé Allah dans leur esprit ou fait des comparaisons entre Allah et la création et ils ont pensé que les attributs qu'Allah s'est affirmé à lui-même, c'est les attributs la même chose que celle des créatures. Donc, ils ont fait une erreur de faire le tashbih en premier, puis par la suite, ils sont tombés dans la négation. Dans le but de, soi-disant, sous prétexte de vouloir purifier Allah. Hein? Donc, c'est ce qu'il dit. Al-mu'attila mumathila, li'annahum jama'u bayn al-ta'til wa al-tamthil, li'annahum lam yafhamu min sifati Allah illa ma huwa mithlu sifati al-makhluqin. Falidhalika nafaw bi hujjati al-tanzih. Fahum mathalu awwalan, thumma attalu thaniyan. والممثلة كذلك مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا حيث عطلوا الله عن كماله ووصفوه بالنقص وأن صفاته مثل صفات المخلوقين فالممثلة عطلوا الكمال عن الله والمعطلة عطلوا الأسماء والصفات فنفوها وكلا الفريقين معطل وممثل. Donc le cheikh il dit donc les négateurs, ils ont commencé par faire ressembler Allah à sa création. Puis après, pour purifier Allah de cette imperfection-là qu'ils ont imaginée, ils ont nié. Donc, ils ont commencé par là, le tashbih, puis ils sont tombés dans le ta'til après. Et les mumathila, ceux qui font ressembler Allah à sa création, eux, c'est le contraire. Hein? Ils ont nié à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection qui lui revient, et la perfection de ses noms et de ses attributs. Et ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Et donc, ils ont premièrement nié à Allah subhanahu wa ta'ala nié à Allah sa perfection en faisant Allah ressembler à sa création. Et ensuite, ils ont fait. Attends, c'est quoi? فَالْمُمَثِلَ عَطَّلُوا الْكَمَالَ OK. ثُمَّ عَطَّلُوا ثَانِيًا. Donc, ensuite, ils ont nié. Donc, ils ont fait ressembler Allah à sa création, puis après, ils ont nié. حيث عطلوا الله عن كماله. Donc, ils ont nié à Allah subhanahu wa ta'ala sa perfection. Et ce qu'il s'est purifié, ce qu'il s'est attribué lui-même comme perfection. Et ils lui ont attribué des imperfections et des défauts et des faiblesses parmi les descriptions ou les caractéristiques et les attributs de ces créatures. Et donc, les mumathila ont nié la perfection d'Allah et les mu'abdila ont nié les noms et les attributs d'Allah. Ils les ont niés et les deux donc sont des mu'abdils et des mu'mathils. Naam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on expliquera la suite au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين donc comme j'avais dit c'est un cours qui est assez technique. Ouais. Alhamdulillah. Ouais, non, vous allez apprendre.